On marche dans un sentier tortueux. Les uns veulent acquérir un rang élevé et cherchent, par tous les moyens, la route qui peut les conduire à l'emporter sur les autres. Pour parvenir à la fortune et aux honneurs, ils flattent les hommes puissants, et poussés par leur intérêt personnel, ils font une foule de choses qui répugnent à l'équité et à la raison. Quoique, pour le moment, ils aient obtenu l'objet de leur ambition, ils ignorent que la colère des dieux était déjà allumée contre eux avant qu'ils réussissent. Après leur élévation, ceux qui les connaissaient les tournent en ridicule et les poursuivent de leur raillerie. C'est pourquoi les hommes doivent avant tout rectifier leur cœur. Celui qui peut rectifier son cœur ne fera jamais des choses qui s'écartent de la droiture et des convenances. Histoire. Autrefois Chao Pien était général en chef des troupes du royaume de Chou. Il y avait une courtisane qui portait dans ses cheveux des fleurs d'abricotier. Chao Pien lui dit un jour, en badinant avec elle. « Les fleurs d'abricotier qui ornent votre touffe de cheveux produisent un effet charmant. » Pour cueillir la prune suspendue à sa branche, lui répondit-elle, « on ne peut se passer d'entremetteur. » Le soir étant venu, le général envoya un vieux soldat à la jeune fille pour l'inviter à venir le trouver. L'ayant attendu en vain pendant fort longtemps, il entra en colère et s'écria d'une voix forte. Chao Pien ne peut souffrir qu'on lui manque à ce point. Il ordonna à quelqu'un de rappeler le vieux soldat. Celui-ci répondit en allongeant la tête en dehors de la fenêtre. Je ne suis point allé inviter la jeune femme, et, de cette manière, son excellence n'est point entrée de l'épaisseur d'un cheveu dans le sentier du vice. Cette aventure fut presque aussitôt assoupie. Un homme de Changcheu, nommé Xu Kongyi, remplissait au tribunal la charge de greffier. Il était humble et réservé, rempli de sévérité pour lui-même et d'indulgence pour les autres. Un chef militaire nommé Wu Qi ayant été vaincu, craignait d'être puni de mort. Il voulut prier Xu Kongyi d'intercéder pour lui. Mais comme il était sans fortune et qu'il ne pouvait lui offrir des présents proportionnés au service qu'il sollicitait, il l'invita à venir dîner chez lui. Il ordonna à sa femme de l'exciter à boire, et s'esquiva, afin de les laisser tous deux ensemble. Sa femme, qui était douée d'une rare beauté, s'étant approchée de lui d'un air caressant, Xu Kongyi déchira le pan de son habit par lequel elle le retenait, et s'enfuit. Cette nuit même, il rédigea une pétition et obtint la grâce de son mari. Dans la suite, il devint vice-président du tribunal et après plusieurs promotions successives, il siégea parmi les membres du bureau de la guerre. Enfin, dans les années suivantes, de 1426 à 1436, il fut nommé vice-gouverneur de la province de Kansu. Les deux hommes dont nous venons de parler n'ont point foulé le sentier tortueux du plaisir et de la volupté. Qin King Tsong était président du collège impérial de Nanking. L'examen de 9 ans étant terminé, il se rendit à la cour. À cette époque, un eunuque nommé Wang Qin était à la tête du gouvernement. Comme il portait depuis longtemps une grande amitié à King Tsong, il désirait l'élever à une plus haute magistrature. Un jour, il fit part de ses intentions à Cheu Wen, surnommé Xiang Kong. Celui-ci engagea King Tsong à aller rendre visite à Wang Qin. « Je suis chargé d'enseigner les autres et de leur donner l'exemple », répondit King Tsong. Si je vais rendre visite à un eunuque, comment oserais-je demain me présenter devant mes disciples? King Tsong n'alla point saluer Wang Qin. Quoiqu'il n'eût point été élevé par Wang Qin à une plus haute dignité, les lettrés et les magistrats chargés de présenter aux emplois louèrent la pureté et la noblesse de son caractère. Qin Liang Megaokte voyageait pour son instruction dans le département de Kuangtefu. L'inspecteur des études, nommé Chang, lui dit: « Wu Kong, gouverneur du district de Kuai, en Yin, sera cet automne intendant supérieur du concours. Je vous présenterai chez lui, et lorsqu'on fixera le rang des candidats, il ne manquera pas de s'intéresser à votre succès. » Qin Liang le quitta en promettant de faire la visite qu'il lui conseillait, mais, se dit-il en lui-même, c'est le destin qui décide si l'on doit échouer ou réussir dans les concours. Si j'obtiens de l'avancement par des moyens contraires à l'équité, les personnes qui le sauront ne manqueront pas de critiquer sévèrement ma conduite. Aussitôt il prit un prétexte pour ne point aller saluer Wu Kong, et quelque temps après il devint un de ses employés. S'il eût été le saluer lorsqu'on le lui conseillait, il lui eût été aussi difficile qu'à Wu Kong de justifier cette nomination aux yeux du public. Qin King Tsong et Qin Liang Megaokte, dit le commentateur, n'ont point foulé un sentier tortueux pour obtenir de l'avancement. Il y a encore une multitude de circonstances où les hommes peuvent fouler un sentier tortueux. C'est alors qu'ils doivent veiller sur eux-mêmes. Dans la route de la vie, l'écart le plus léger entraîne une erreur immense. Si, par hasard, le pied vous glisse, vous laissez à votre mémoire une tache ineffaçable. Ne trompez point dans le secret de la maison. Commentaire. Le mot qui de veut dire tromper son cœur, s'abuser soi-même, connaître clairement ce qui est mal et le faire de propos délibérés. On entend par en chi, maison obscure, un lieu où les autres hommes ne nous volent ni ne nous entendent, et qui n'est connu que de nous. Toutes les fois qu'un homme trompe son cœur, et veut faire une mauvaise action, il n'ose choisir un endroit où il serait vu et aperçu de tout le monde. Mais lorsqu'il est dans un lieu retiré et solitaire, il s'imagine que sa conduite échappera à la connaissance des hommes. C'est alors qu'il perd son cœur et étouffe tout sentiment de vertu. Il ignore que les paroles furtives que l'on prononce tout bas sur la terre retentissent dans le ciel comme le tonnerre, et que les mauvaises actions que l'on commet dans le secret de la maison brillent aux yeux des dieux comme des éclairs éblouissants. On dit communément, si vous voulez que les hommes n'aient point connaissance de vos mauvaises actions, le plus sage parti est de vous en abstenir. C'est pourquoi, lorsque vous êtes dans un lieu où personne ne vous voit, vous devez redoubler d'efforts pour régler les mouvements de votre volonté, de peur de tromper votre propre cœur et de tomber dans le mal. C'est là ce qu'on appelle être véritablement vertueux. Une telle conduite contribuera puissamment à attirer sur vous les bienfaits secrets du ciel. Histoire. Huang Xingkui, qui vivait sous la dynastie des Song de 960 à 1278, remplissait les fonctions de juge dans l'arrondissement de Yichéou. Un jour, il rêva qu'il était dans l'autre monde. Un magistrat du sombre empire lui dit: savez-vous que lorsque vous étiez à Yichéou, il s'est passé une belle action? Il ordonna à son secrétaire de prendre un registre et de le lui faire voir. Il lut ce qui suit. Un médecin, nommé Nie Chongqi, étant allé dans la maison d'un certain Yang, du district de Huating, pour lui donner ses soins, la femme de celui-ci, nommée Qixi, fut éprise de Chongqi, et courut après lui. Zhongqi l'a repoussé et n'a point voulu répondre à ses sollicitations. Le Shangti, le maître suprême, a décidé que la vie de Zhongqi serait prolongée de 12 ans, et que, pendant 3 générations, ses fils et ses petits-fils obtiendraient le grade de docteur. Huang Xingkui s'étant éveillé et étant revenu sur la terre, raconta à Zhongqi ce qu'il venait d'apprendre. Le fait exact, lui répondit Zhong Qi avec étonnement, mais je ne l'ai pas encore raconté à ma femme. Je ne croyais pas qu'il fût déjà inscrit sur le registre qui se tient dans l'autre monde. Dans la suite, ses fils et ses petits-fils obtinrent en effet le grade de docteur. Un homme de Yuyao, nommé Wang Goa, logeait dans la maison d'un magistrat qui, quoiqu'il eût un grand nombre de concubines, n'avait pas encore pu obtenir de fils. Un jour il écrivit un billet, qu'il remit à une de ses femmes, en lui ordonnant d'aller passer la nuit avec Wang Goa. Celui-ci la repoussa avec force, et ne voulut point répondre à ses désirs. Telle est, lui dit-elle, l'intention de votre hôte. Elle prit alors le billet et le lui fit voir. Il y lut ces mots, « Je désire obtenir un fils d'un autre homme. » Wang Goa prit un pinceau, et écrivit à la suite, « Je crains les esprits du ciel. » Il se refusa à ses instances et la congédia. Le lendemain matin, il quitta son logement et partit. Quelque temps après, le magistrat l'offrit un sacrifice et fit réciter les prières prescrites. Le Taosé qui avait officié eut un songe. Étant arrivé à la porte du ciel, il vit l'affiche destinée à proclamer le Tkoangyuan, le premier des docteurs, de la promotion de printemps. Le magistrat lui ayant demandé s'il se rappelait les noms du Tkoangyuan, il répondit qu'il ne les avait pas vus. Seulement, il avait lu sur un étendard brillant que tenait un homme à cheval. « Si vous voulez obtenir un fils d'un autre homme, craignez les esprits du ciel. » L'année suivante, Wang Goa obtint en effet le grade de Tkoangyuan, et son fils, le docteur Yang Ming, fut nommé par l'empereur, comte de Sakien. Les deux hommes dont nous venons de parler n'ont point voulu abuser des femmes des autres, quoique ce fût pendant la nuit et dans des lieux où ils n'étaient vus de personne. Un homme de Muancheu, père de Yang Pu, qui devint premier ministre, vivait à Huayang, où il exerçait la profession de marchand. Il faisait tous ses efforts pour pratiquer la vertu. Un jour, un marchand de sel de la province de Shanxi, ayant une affaire pressante qui l'obligeait de s'en retourner dans son pays, lui donna en dépôt 1000 onces d'argent. 3 années s'étant écoulées sans qu'il revînt, il prit les 1000 onces d'argent, les emporta chez lui et les enfouit au fond d'un pot de fleurs. Il envoya quelqu'un dans le Shanxi pour savoir ce qu'était devenu le maître de cette somme. Le marchand de sel était mort, et n'avait laissé qu'un fils, qui n'avait aucune connaissance de cette affaire. Il le fit venir, et lui dit, en montrant le pot de fleurs. 1000 onces d'argent que votre père m'avait confiées sont renfermées dans ce vase. Le fils refusa de les prendre. Cette somme vous appartient, lui dit-il. Pourquoi faire tant de difficultés pour la recevoir? Le fils se prosterna jusqu'à terre, prit l'argent et s'en alla. Dans la suite, cet homme eut un fils, nommé Yang Pu, qui fut élevé au rang de premier ministre d'État. Ses petits-fils devinrent présidents du tribunal suprême et membres de l'académie. King Sanzi, surnommé Té, était un homme droit et intègre, fidèle à sa parole et incapable de tromper. Un de ses amis se voyant dangereusement malade, s'inquiétait vivement sur le sort de son fils, qui montrait les plus mauvaises dispositions. Il prit 1000 onces d'argent qu'il donna secrètement à Sanzi et lui dit « Quand je ne serai plus, mon fils ne manquera pas de se livrer au vice et de dissiper tout son héritage. Attendez, pour lui donner cet argent, qu'il soit réduit à mourir de misère. » Le fils consuma follement tout ce qu'il possédait et fut bientôt réduit à toutes les rigueurs de la pauvreté et du besoin. Sanzi le fit venir, et lui dit, Votre père vous avait laissé du patrimoine, comment se fait-il que vous soyez réduit à cette extrémité ? Le fils fut pénétré de honte, et n'eut pas la force de répondre. « J'ai quelque argent à vous offrir, lui dit Sanzi, mais je crains que vous ne le dissipiez encore au milieu du vin et des fleurs. » Le fils prit le ciel à témoin et fit serment de se corriger. « Si je ne réponds pas à vos intentions, lui dit-il, que la mort soit mon châtiment. » Sanzi prit alors les 1000 onces d'argent, que son père lui avait confiées en dépôt, et les lui remit, intactes, enveloppées dans le même paquet. Le fils le remercia en pleurant. Dès ce moment, il se corrigea et pratiqua la vertu. Sanzi eut 3 fils, dont l'aîné, nommé Chong Yuan, fut élevé au rang de ministre d'État. Les hommes que nous venons de citer n'ont pas touché à l'argent qui leur avait été remis loin de tous témoins et dont les propriétaires étaient morts depuis longtemps. Si les hommes peuvent ne point tromper dans le secret de la maison, leur vertu touchera le ciel et, en récompense de leur conduite, ils deviendront riches et heureux. Accumuler des vertus et entasser des mérites. Commentaire. Le mot « si » veut dire ajouter, rassembler. T. 2. Vertu. C'est la bonté que nous conservons dans notre cœur. Aujourd'hui vous formez une bonne intention, demain vous formez une bonne pensée. Vous continuez de 1 jusqu'à 10, de 10 jusqu'à 100 et ainsi de suite. Par exemple, un pauvre demande du riz. Celui-ci lui en donne une pincée, celui-là une poignée. De cette manière, en réunissant plusieurs petites quantités de riz, il finit par en avoir une grande provision. Louis III, entassé. C'est ajouter, élevé. Kong 4, mérite. C'est la bonté qui se manifeste par les œuvres. Aujourd'hui vous faites une bonne action, demain vous en faites une autre et ainsi de suite. C'est comme lorsque l'hirondelle ou la pie construisent leur nid. Si elles amassent chaque jour une becquée d'argile, si elles apportent chaque jour un petit morceau de bois, elles finissent par entasser les uns sur les autres tous les matériaux nécessaires, et à donner à leur nid la solidité et l'élévation convenables. Mais si aujourd'hui vous ouvrez votre cœur à une bonne pensée, et que demain vous formiez une pensée coupable, alors votre bonne pensée manquera de pureté. Si vous faites aujourd'hui une bonne action, et que demain vous commettiez une action honteuse, alors les vertus et les mérites ne se succéderont point, et vous ne pourrez jamais les accumuler ni les entasser. Liu Xianchu faisait à son fils la recommandation suivante. Ne négligez pas de pratiquer une vertu parce qu'elle est de peu d'importance. On lit dans le traité intitulé Ming Sinpeao Qian, c'est-à-dire le précieux miroir pour éclairer le cœur. Suivez le bien, comme si vous montiez sans interruption. Cette pensée exprime avec précision l'idée d'accumuler et d'entasser. C'est pourquoi, voici comment doit agir tout homme qui veut aider ses semblables et être utile aux animaux. S'il se sent capable de faire une chose, qu'il y emploie tous ses moyens et ses efforts. S'il ne se sent pas capable de la faire, qu'il invite les autres hommes à se joindre à lui et à l'aider. Ainsi, le texte dit plus bas, si l'on fait 1300 bonnes actions, on peut devenir un immortel du ciel. En faisant une bonne action chaque jour, c'est seulement l'affaire de 4 ans. Si l'on fait 300 bonnes actions, on peut devenir un immortel de la terre. En faisant une bonne action par jour, il ne faut pas 1 an. Que l'homme s'applique au bien de toutes ses forces, et dans la sincérité de son âme, et il ne trouvera aucune difficulté à accumuler des vertus et à entasser des mérites. Histoire. Sous la dynastie des Song, vivait un homme du pays de Yanshan, nommé Teo Yukiu. Il avait atteint sa 30e année, et n'avait pas encore de fils. Il vit en songe son père, qui lui dit « Il est écrit dans le livre du destin que tu n'auras point de fils, et de plus que tu ne jouiras pas d'une longue vie. Il faut de suite faire tous les efforts pour pratiquer la vertu. » Yukiu suivit les instructions de son père. Un de ses domestiques lui avait dérobé 200 000 masses, 20,000 onces d'argent, et craignait que cette affaire ne vînt à être connue. Cet homme avait une fille âgée de 12 à 13 ans. Il écrivit lui-même un billet pour la vendre, et le lui attacha au bras. Ce billet était ainsi conçu. « Je vends cette jeune fille, pour toute sa vie, à mon maître Teo Yukiu, afin de compenser l'argent que je lui dois. Quant à moi, je m'enfuis dans une contrée éloignée. » À cette vue, Yukiu fut touché de compassion. Il prit le billet, le jeta au feu, et ordonna à sa femme d'élever cette jeune fille avec la tendresse d'une mère, jusqu'à ce qu'elle fût devenue grande. Ce n'est pas tout. Il lui donna 200 onces d'argent, et lui fit épouser un homme d'une famille distinguée. Yukiu, se trouvant le premier jour de l'an dans le temple appelé Kayuansé, ramassa par terre deux lingots d'or qui valaient plusieurs dizaines d'onces d'argent. Il attendit la personne qui avait perdu ces deux lingots, et les lui rendit. Cette somme lui servit à racheter le crime de son père, qui gémissait en prison. Un parent éloigné de Yukiu venait de perdre son père, et se trouvait hors d'état de faire les dépenses nécessaires pour les funérailles. Celui-ci fournit tout l'argent dont il avait besoin pour accomplir ce devoir sacré. Il y avait 27 familles dont les filles n'avaient pu trouver d'époux, à cause de leur extrême pauvreté. Il leur donna à chacune une dot et les maria. 28 de ses anciens amis étaient réduits à l'indigence. Il leur prêta des sommes proportionnées aux besoins de chacun d'eux, et leur fournit les moyens de faire un petit négoce qui leur procura une existence assurée. Il serait difficile de compter les lettrés de toutes les parties de l'Empire à qui sa recommandation fit obtenir des emplois. Il fit construire 40 écoles, dans chacune desquelles il rassembla 1000 volumes, et chargea d'habiles lettrés d'y donner publiquement des leçons. Si parmi les pauvres étudiants des différentes parties de l'Empire, il s'en trouvait qui montrassent des dispositions pour les lettres, il leur donnait tous les livres dont ils avaient besoin, sans s'informer s'ils étaient ou n'étaient pas de ses connaissances. Quant à lui, il vivait simplement, et observait dans sa maison la plus stricte économie. Quelque temps après, il vit en songe son grand-père, qui lui dit « Depuis plusieurs années, vous avez accumulé des vertus et entassé des mérites. Pour vous en récompenser, le maître du ciel a décidé que votre vie serait prolongée de 36 ans, et que vous auriez 5 fils, qui seront élevés aux honneurs. » Yukiu vécut jusqu'à 82 ans, et il eut 5 fils et 8 petits-fils, qui obtinrent des charges éminentes. Il y avait, dans le département de Yingfu, un homme nommé Wu Shanshan, qui n'avait point d'enfant. Un lettré, nommé Li, lui offrit la recette suivante pour en obtenir. « Nous voici, lui dit-il, dans une année de disette. C'est une occasion favorable que vous présente le ciel. Pratiquez les bonnes œuvres énumérées sur cette liste. Premièrement, payez pour les pauvres gens les impôts du nonce et au-dessous. Secondement, lorsqu'un homme a commis un léger larcin et qu'il a rendu l'objet qu'il avait dérobé, donnez-lui l'argent nécessaire pour acheter sa liberté. Troisièmement, établissez, à chaque porte de la ville, des pavillons ouverts, où vous ferez distribuer du riz cuit. Quatrièmement, faites porter en toute saison des aliments à ceux de vos parents et de vos amis qui sont dans l'indigence. Cinquièmement, fournissez vous-même du millet aux pauvres habitants des villages. Sixièmement, donnez des médicaments aux personnes attaquées de maladies épidémiques. Septièmement, ensevelissez les ossements épars. Huitièmement, construisez des ponts. Neuvièmement, achetez des fermes dont les revenus seront consacrés à faire des aumônes. Dixièmement, achetez des terres dont le produit aidera les étudiants. Wu Shanshan pratiqua avec joie ces 10 préceptes et eut de suite 3 fils. On voit par ces exemples que, pour avoir accumulé des vertus et entassé des mérites, celui qui devait mourir jeune a joui d'une longue vieillesse, et que celui que le ciel avait condamné à mourir sans enfant a obtenu de suite plusieurs fils. Voilà la conduite que les hommes doivent imiter et mettre en pratique. Montrez-vous humain envers les animaux. Commentaire. Les mots de saints, cœur bienveillant, désignent ici l'humanité, qui est la base de toutes les vertus. Si l'on veut sincèrement accumuler des vertus et entasser des mérites, il faut aimer non seulement tous les hommes, mais même tous les animaux. Par l'expression V4, nous entendons les oiseaux, les poissons, les insectes, et en général tous les êtres, différents de l'homme, qui volent, courent et se meuvent. Quelque petit que soit un grand nombre d'entre eux, un même principe de vie les anime. Tous sont attachés à l'existence, tous redoutent également la mort. Il ne faut point se livrer à cette barbarie qui porte certains hommes à les tuer. Histoire. L'aïeul de l'historien Han, nommé Yong Chong, qui était originaire de Changcheou, se levait tous les jours de grand matin pour balayer les mollusques qui grimpaient le long du rivage et les rejeter au fond de l'eau, de peur qu'ils ne fussent ramassés par les pêcheurs. Quelquefois, quoiqu'il fût tourmenté par la faim, il continuait à balayer ainsi ses animaux sur une étendue de plusieurs lits. Dans la suite, Han se présenta à l'examen. Il vit en songe un esprit qui lui dit: votre aïeul s'est constamment efforcé de conserver la vie des animaux, il s'est acquis par là de grands mérites. En récompense de ses vertus, vous entrerez dans la première classe des Hanlin académiciens. Cette promesse se réalisa dans la suite.